into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. You see there? He said everlasting fire was prepared for the devil and his angels. But people are going there. Dass das ewige Feuer für die Teufel und seine Engel eigentlich vorbereitet ist, aber Menschen gehen dorthin wegen dem Ungehorsam. Donc il a préparé cette porte de l'enfer pour le diable et ses anges, mais les gens sont en train de partir là-bas parce qu'ils sont désobéissants. Then from verse 41 you can see, say, for I was an hungry and you gave me no meat. Here he's not talking about giving money to beggars outside. He's been there for God's children. The true God's children, the people that choose Christ. Mm-hmm. It's not about going to Afghanistan and feeding them there. Mm-hmm. Doctors Without Borders. You have heard that word. Mm-hmm. And be treating them. If you give your body to be born without Christ Jesus. Profit you nothing. Ja, hier geht es nicht um ehrenamtliches Arbeiten oder Charity-Sachen, sondern hier geht es wirklich um Christus. Ne? Dass man für Kinder Gottes da ist, für Christus Kinder Gottes da ist und nicht für Charity-Sachen oder auch dieses Ärzte, die Ärzte ohne Grenzen, heißt das so? Okay, oder Arzt ohne Grenzen ist. Ne? Sondern es geht hier wirklich, dass man für Kinder Gottes da ist. Donc, il ne s'agit pas de faire des histoires caritatives, il s'agit vraiment d'être là pour les enfants de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. C'est là qu'il se voit aussi, il se sent aussi adressé, mais pas faire les histoires charitatives pour le monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you read it, please read it at home. Amen. And see what Jesus said. Mm-hmm. Amen. Amen. He said, you know, he's doing it for Christ's family and not doing it for the world. Jesus said, I did not pray for the world, but for you. Amen. Es geht darum, es für die Familie von Christus zu tun und nicht einfach nur für die Welt. Weil Jesus sagt, ich habe nicht für die ganze Welt gebetet, sondern für euch. Et il s'agit de faire ça pour Jésus-Christ, parce que pour les enfants de Dieu, parce que lui-même il a dit aussi, je n'ai pas prié pour tout le monde, mais j'ai prié seulement pour vous. Donc ça signifie qu'il a, il est en train de faire l'exception pour ceux qui sont en train de lui suivre. Praise the Lord. John 15 verse 4. Johannes 15 verse 4. Jean 15 verset 4. Praise the Lord. Verse 4. He said, abide in me, and I in you. Abide in the ministry. Bleibt in der Gemeinde. Rest in der Eglise. Abide in the Bible studies. Bleibt in der Bible study. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Reste en moi et oui, restez dans l'école biblique aussi. You know, Jesus came. He said he is the exact image of his father. Jesus kam und hat gesagt, er ist das exakte Ebenbild seines Vaters. Jésus Christ est venu, il a dit qu'il est vraiment il est la même image de son père. He said, if you have seen me, you have seen the father. Il a dit que si vous m'avez vu, vous avez vu mon père, et c'est pour cela qu'il y a Jean 15:4. So also is the living church of Christ today. Genauso ist auch die lebendige Gemeinde von Christus heute. Et c'est comme ça aussi que une église vivante de Jésus-Christ. So also are God's children today. Die wahrhaftigen Kinder Gottes. C'est comme ça aussi que les enfants de Dieu sont les vrais enfants de Dieu. Once you see them, you see Christ. Wenn du sie siehst, siehst du Christus. Si tu les vois, tu vois le Christ. Running away from them is running away from Christ. Sie zu meiden bedeutet Christus zu meiden. Quand tu les fuis, tu fuis aussi Jésus-Christ. Hiding yourself from them is hiding yourself from Christ. Vor ihnen zu, sich vor ihnen zu verstecken, weil sich von Christus zu verstecken. Aber wann verstehen wir das endlich? Es ist doch so einfach. Quand tu te caches du Christ, tu te caches aussi des enfants de Dieu. Mais quand est-ce qu'on va le comprendre? C'est facile à comprendre normalement. Here he's talking about the ministry. Hier geht's um die Gemeinde. Ici, il s'agit de l'église. I'm talking about a living church. Ich rede über eine lebendige Gemeinde. Il s'agit d'une église vivante. A living Bible studies. Eine lebendige Bibelschule. Not a dead Bible studies. In école de people go to Bible, dead Bible studies. They gather in the name of Bible study, but it's not Christ. Weil Leute versammeln sich im Namen von irgendwelchen an einem angeblichen Jesus, aber es ist nicht Jesus. Und das, in the name of Bible study, but it's not genau, Christ. Genau, im Namen von Bible study kommen sie zusammen, aber es ist nicht im Namen von Christus Jesus. Amen. Donc, il s'agit d'une école biblique qui est du Christ, pas une école biblique qui est morte, parce que dans l'école biblique qui est de Christ, ils sont là dans le nom, au nom de Jésus-Christ. Mais autre école biblique dans des écoles, dans des église morte. Il ne s'agit pas du Christ. Once they start fighting a living church, they go and form their evil Bible studies. Nachdem sie in einer lebendigen you cannot go against Christ and they form something else that you want to call it Christ. It doesn't. I don't even know how it much. Erst kämpfen, bringen sie Streit und Zank und kämpfen in eine lebendige Gemeinde und dann gehen sie, verlassen sie die Gemeinde und gründen ihre eigene evil Bible study. Aber so funktioniert das nicht. Mm. Donc les gens sont en train d'abord de combattre l'église et puis ils font des églises, des écoles bibliques, mais qui sont en dehors de l'église après avoir combattu l'église. Ça c'est vraiment, c'est démoniaque en fait. Are you getting it? Amen. You are fighting Christ in one side. On the other side, you say you are for Christ. Prove your heart. Ja, du bekämpfst Christus auf dieser Seite und auf der anderen Seite proklamierst du, dass du zu Christus Jesus gehörst. Und genau die gleichen Kandidaten. Stop deceiving yourself. Das gleiche geht auch für die Kandidaten, die dann draußen predigen gehen, aber in einer lebendigen Gemeinde Streit, Zank und Verwirrung bringen. Das funktioniert so nicht. Donc, d'un côté, tu es en train de combattre l'Église, de l'autre côté, tu es en train de glorifier ton école biblique que tu es en train de faire en dehors de l'Église. Ça ne marche pas comme ça avec l'Éternel. Verse 4 again. Vers 4 nochmal. Abide in me, and I in you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Abide in the Bible studies. Abide in the service. Listen to the Gottes message and act on it. Na, hört der Botschaft zu und handelt danach. Donc, écoutez aux prédications. Obéissez à la parole de l'Éternel et oui, et écoutez aussi à l'école biblique. C'est comme ça que tu écoutes la voix de l'Éternel. Humble yourself and take to correction. À l'école biblique. Deswegen demütigt euch selbst und nimmt diese Ermahnung an. Et c'est pour cela c'est important qu'on puisse s'humilier devant l'Éternel et puis accepter cette correction. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. As a branch cannot bear fruit of itself. Amen. Except it abide in the vine. No more can you except you abide in me. Praise the Lord. Halleluja. A living church is very important. Eine lebendige Gemeinde ist sehr wichtig. Mach damit keine Scherze. Une église vivante est vraiment très importante. Il faut pas blaguer avec ça. Don't joke with it at all. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Ne blaguez pas avec une église vivante. Matthew 13 says you sell everything to have it. Matthäus 13 hat gesagt, du verkaufst alles, um es zu haben. Matthieu 13 nous dit qu'on doit tout vendre pour seulement avoir are ça. Are you getting it? He said you sell everything. Everything. You sell it to have it. Matthew 13. Alles, was du hast, du verkaufst es, um es zu haben. Er kennt die Stelle, Matthäus 13. Donc, Matthieu 13, on vend tout vraiment pour seulement avoir notre trésor. Amen. Jesus said, without them, you are nothing. Without the living church, without the Bible studies, without the services, without what you know, because whatever we are doing here is Christ. Without your participation here with us, you are nothing. Ohne Anteilnahme an der Bible study in der Gemeinde, ne, an uns in der Gemeinschaft, ne, bist du nichts. Donc, sans ta participation ici à notre à se rassembler ici à l'église, tu n'es rien. Amen. He's talking about the living church. Er redet über eine lebendige Gemeinde und nicht eine tote Gemeinde. Il parle d'une église vivante et pas d'une église morte. Praise the Lord. Amen. A living church means it is all about Christ. Eine lebendige Gemeinde bedeutet, es geht nur um Christus. Une église vivante, ça signifie qu'il s'agit que du Christ. He become everything and everybody for you. Er wird zu alles und jeden für dich. Ça devient tout et oui, tout pour toi. No longer the flesh. Nicht mehr das Fleisch. C'est plus la chair. No longer the natural family. Nicht mehr die natürliche Familie. C'est plus la chair, la no longer naturelle. The natural friends. Und nicht mehr die natürlichen Freunde. C'est plus la famille naturelle. If any man be in Christ, it's a new creation. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. No, the old was all about the natural. In dem alten ging es um das natürliche Fleisch. Aber jetzt geht's vollkommen um den Geist. Dans l'ancien, il s'agissait de la famille naturelle, du naturel en général. Mais maintenant, il s'agit que de l'esprit de Jésus-Christ lui-même. Amen. It is not Christ alone as your family. Es ist Christus allein als deine Familie. C'est maintenant Jésus-Christ lui-même qui est ta famille. If Christ is not, guess who is? Satan. Ja, aber wenn Christus nicht unsere Familie ist, dann, na, rat mal, wer ist it dann? Might look like mom, das ist der Satan. Si c'est pas le Christ qui est ta famille, donc c'est le diable qui est ta famille, même si ça semble être l'être humain. Und es sieht vielleicht aus wie ein Mensch, der ganz nett und freundlich ist, aber es ist der Satan, der dahinter ist. Weil es geht um das Geistliche. Das Geistliche macht die eigentliche Person ja dann aus. Parce qu'il s'agit de l'esprit. Et la personne est, une personne est toujours son esprit, malgré, même si en dehors, à l'extérieur, il te semble une personne gentille. And that is the truth that Jesus said we must know. Und das ist diese Wahrheit, von der Jesus Christus spricht, dass wir sie erkennen müssen. Et ça c'est la vérité laquelle Jésus-Christ nous dit qu'on doit reconnaître. Which he said, without it, we are not free. Von dem er sagt, dass ohne sie sind wir nicht frei. Il dit que sans cette vérité, on n'est pas no longer the flesh. Nicht mehr das Fleisch. Donc, il n'y a plus la chair. At all. Amen. But the spirit. Aber der Geist allein. Il ne s'agit plus de la chair, il s'agit plus de l'esprit. Genau wie es in Galater praise the Lord. 20. Tout comme il est écrit à Galates 5, 25. Galatians 5:25. Oh, we have for us to read here. Amen. We need help. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Susie, can you help us? If we live in the spirit. Wenn wir im Geist leben. Si on vit dans l'esprit. Let us walk in the spirit. So lass uns auch im Geist. Achso, das ist vorbei. Sorry. Praise the Lord. Si on vit en esprit, on doit aussi marcher selon l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. If we live in the spirit, let us also walk in the spirit and not walk in the flesh. Wenn wir im Geist leben, lass uns auch im Geist wandeln, nicht im Fleisch. Si on vit par esprit, on doit aussi marcher, marchant aussi par l'esprit et pas dans la chair. It is only a living church that there is protection and security. Nun, eine lebendige Gemeinde ist Schutz und Sicherheit. Il y a seulement dans une église vivante là où il y a la protection et la sécurité. If you read John 15 from 1 Johannes 15, John 15. Amen. Praise the Lord. It is only the living church that there is security, there is protection. Schutz und Sicherheit. Là où il y a la protection et la sécurité. You can see Peter, Paul. We are in a living church. Amen. They refused, they never separate themselves from one another. Es ist Paulus und Petrus, so sie waren go closer to God. In einer lebendigen Gemeinde. Na? Sie haben sich niemals voneinander getrennt, um Gott nah zu sein, weil es keinen Sinn gemacht hat. Et tu vois aussi même avec les disciples, ils se sont jamais écartés du Christ pour être un avec Dieu. Non, ils étaient toujours ensemble. Again, John 15, please. Johannes 15. Jean 15. Praise the Lord. Amen. Amen. It's from verse 1 now, from 10. I am the true vine, and my father is the husbandman. Amen. Yeah, you know, Jesus is talking about us, you and me and he. Amen. And also his father. Amen. Von uns, von dir und mir. Jésus-Christ ici parle de nous, de toi et moi. Johannes 15 wieder. Amen. Jean 15. Yeah, he talks about our security, our protection, our everything that he has for us. Hier geht es um unseren Schutz, unsere Sicherheit, um alles, was er für uns hat. Et ici, il s'agit de notre protection et tout ce qu'il a pour nous. Verse 2. Every branch in me that beareth no fruit, he taketh away. Johannes 15, verse 2. Jean 15, verset 2. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you want to keep something, give it to Jesus. Wenn du etwas behalten willst, übergebe es Jesus Christus. Si tu veux, si tu veux garder quelque chose, tu dois le donner d'abord au Christ. Because the Father is there to take care of it. Der Vater ist da, um auf Acht zu geben. Parce que le Père, il est là pour prendre soin de ça. He said, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you except you abide in me. I am the vine, you are the branches. Ooh, praise the Lord. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me you can do nothing. I love all these places. Mm-hmm. Amen. Verse 6. Verse 6. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. And men gather. You know, that's leaving the ministry. Leaving the Bible study. It's dangerous. He's talking about the ministry here. Geht's um Gemeinde. The ministry that to consider, the living ministry is Christ. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Ici, il parle aussi de quelqu'un qui dit que je suis maintenant, je veux être hors école publique. C'est pas bien. Amen. Verse 5. Read verse 5 for us, please. Ich bin ein Weinstock, ihr seid die Rinder. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. You can see why I said, well, sir, my relationship with you bring more revelation. Et c'est pour cela que je vous ai dit que ma relation avec vous, ça me donne encore plus de révélation. Because we all have the same spiritual eyes that we can use to see. Parce qu'on a les mêmes yeux spirituels qu'on peut voir. We have the same spiritual ears that we use to hear. Les mêmes oreilles que laquelle on peut utiliser à écouter. We have the same spiritual understanding. On a la même compréhension spirituelle. You can see iron sharpens iron. On peut voir comment l'épée est en train de renforcer l'autre épée. Praise the Lord. Verse 6. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my word in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit. So shall you be my disciples. As the Father has sent me, so have I sent you. Continue ye in my love. He said, as his Father sent him. Jesus, God, you know, his Father sent him. And he came here, it was all about his Father. So also he sent us, and it should be all about Christ Jesus for us. In euch wird gleich wie der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Jesus sagt, Jesus war immer hinter seinem Vater her, ne? Und er wurde von seinem Vater geschickt, und genauso sollen wir auch immer wieder hinter Christus Jesus sein, weil wir von Christus Jesus geschickt sind. Il a dit ici à verset 9, Jean 15, 9, comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans moi, de mon amour. Et c'est comme ça aussi que Jésus-Christ, il était toujours en train de parler de son Père, il disait toujours qu'il était un avec son Père. Il était vraiment très fan de son Père, et c'est comme ça aussi qu'on doit être avec lui, on doit vraiment jamais se séparer de nos frères et sœurs, et de lui-même, et des écoles bibliques, et de son amour. Praise the Lord. Amen. The living church is where you are one with one another forever. Die lebendige Gemeinde ist die, in der man eins ist für immer. Et l'école l'école biblique et l'église c'est un. Because the kingdom of heaven is forever. Das Königreich des Himmels für immer ist. Parce que le royaume des cieux c'est toujours, c'est pour because toujours. Because it is Christ alone. Parce que Christus alleine ist. Parce que c'est Christ lui-même. It is Christ forever. C'est pour immer Christus. Il s'agit toujours de Christ pour toujours. There is no going out and coming in. Da gibt's kein Ein- und Ausgehen. Il n'y a pas de genre tu sors et tu entres comme tu veux. Amen. You can read, you know, John 15. John 15 did not say go out and come in. He said abide in me forever. Ja, das 15 steht nicht, dass wir ein- und ausgehen sollen, sondern wir sollen reinkommen und bleiben für immer. Dans Jean 15, il ne nous a pas dit de sortir et de rentrer comme on veut. Il a dit de demeurer en lui pour toujours. And that's why living church is not a place where you can go out and come in. Go out and come in. Go on. It's a religious church. You can go out 1 million times and go in 1 million times. But in a living church, you come in and leave. Abide in me forever. Yeah. In einer lebendigen Gemeinde gehst du nicht einfach ein und aus, wie du lustig bist. In einer religiösen Gemeinde ist das so. Ne? Da gehen Leute rein und raus. Man weiß gar nicht, wer dabei ist, wer nicht dabei ist. Aber in Christus ist das nicht so. Da entscheidet man sich für immer. Et dans une église religieuse, oui, tu peux entrer et sortir comme tu veux, à même des millions de milliers de fois. Mais dans une école, dans une église vivante, tu viens et tu restes parce qu'il a dit que demeurer en moi. You know, that's why when people come here, I pity them a lot. Deswegen, wenn Leute diese Gemeinde besuchen, habe ich Mitleid mit ihnen. C'est pour cela, quand les gens viennent ici, à cette église, moi j'ai vraiment. Oui, j'ai pitié avec eux. I pity them a lot. J'ai viel Mitleid mit ihnen. J'ai vraiment pitié avec eux. Because here is not a religious so where you can come and go. Weil es keine religiöse Gemeinde ist, in der du ein- und auslaufen kannst, wie du lustig bist. Parce que ici c'est pas une église religieuse où tu as peux venir et come and go as you like. Wie es dir gefällt. Again, in religious churches. In all those dead churches. Yes, you come and go as you like. Wie gesagt, in diesen religiösen Gemeinden, da kannst du rein, raus, wenn du lustig bist. Aber nicht in einer lebendigen Gemeinde. Oui, dans une église religieuse, tu viens et tu sors comme tu veux, mais pas dans une église vivante. Because you put yourself in problems. Weil du dich sonst in Gefahr begibst. Parce que sinon tu vas te mettre toi-même dans des problèmes. Matthäus 12. On va lire Matthieu 12. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Especially if you now know Christ. Besonders wenn du Christus erkannt hast hier. Because once light coming, it takes away darkness. Wenn das Licht reinkommt, dann nimmt es die Dunkelheit weg. Parce que quand la lumière vient, ça, oui, ça, ça enlève l'obscurité. Chasse l'obscurité. Amen. Once Christ coming, he takes away, you know, Christ coming with his properties. Christus kommt mit seinem Besitz. And Satan run with his properties. Und der Satan fliegt mit seinem Besitz. Parce que tu dois t'imaginer, genre, Jésus-Christ vient avec ses biens et le diable, il est en train de sortir et il fuit avec ses biens. Matthäus 12, 43. Amen. When the unclean spirit is gone out of a man. Well, I hope you understand him. Und wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist. Is somebody getting something? Amen. You know, once you come to a living church, wenn du zu einer and you continue Gemeinde to be there, kommst und du the light is going to come. You are going to, Christ is going to come inside and live in you and dwell in you. And then Satan pack his load and leave. You get it. And you continue to be there. And because Christ is there with you also. But once you leave, the demons that were driven out, they are coming back. Wenn du dich für eine lebendige Gemeinde entschieden hast und dort Jesus Christus empfangen hast, ne, ist Christus Jesus jetzt wohnt in dir und der Satan ist aus dir ausgezogen. Aber wenn wir uns dann wieder dagegen entscheiden und dann rausgehen, dann werden die Geister, die aus uns ausgefahren sind, uns wieder heimsuchen. Und deswegen sage ich, habe ich Mitleid mit den Leuten, die hier ein- und ausgehen. Ici dit que lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, et j'ai dit, pourquoi je dis que j'ai vraiment pitié des gens qui sont venus, qui viennent ici, c'est parce que quand ils viennent ici, et c'est quand ils viennent ici, normalement, c'est l'esprit du Christ qui chasse maintenant les esprits impurs, et c'est Jésus-Christ qui demeure en eux. Mais dès qu'ils sont entrés encore, ils sortent encore de l'église, les esprits impurs, oui, ils reviennent aussi encore. Et ça, c'est pour cela que je dis que c'est vraiment dangereux de venir et de sortir comme on veut dans une église vivante. Praise the Lord. Amen. Verse 43 again. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh out through the dry places, seeking rest, and findeth none. Praise the Lord. Hallelujah. Here he's talking about a living church and not a religious church. Jetzt meine lebendige Gemeinde und nicht eine religiöse Gemeinde. Ici il parle d'une église vivante et pas une église religieuse. Once you come into a living church and you are now part and parcel of that very church, very ministry, because that ministry is Christ alone. Satan has his own properties. He leaves you. Are you getting it? Because somebody have occupied it. That is Christ. But once you say no to Christ, then Jesus even said it. What? The next stage. Wenn du in eine lebendige Gemeinde gehst, und der Satan aus dir ausgefahren ist, sozusagen, weil Christus jetzt in dir wohnt, wird der Satan dich auch in Ruhe lassen und dich meiden. Aber sobald du dann wieder rausgehst, also dich gegen diese Gemeinde, gegen Christus entscheidest, wird er wieder zurückkommen und es wird dir sogar noch schlimmer gehen als vorher. Donc, ça signifie que quand tu as tes esprits impurs qui sont en toi, mais quand tu es maintenant né de nouveau et que tu es un enfant de Dieu, le diable, il est chassé parce que maintenant, c'est la sainteté de l'Éternel qui vit en toi. Mais quand toi, tu commences à rejeter l'Éternel et les esprits impurs, eux, s'ils savent ça, ils vont commencer à retourner en toi et puis ils vont devenir encore plus pires qu'avant. You know, I'm not preaching this so that you stay with us. Ich predige das nicht, damit du hier bei uns bleibst. Moi, je ne prêche pas ça pour que tu puisses rester chez nous. Amen. Mm-hmm. It's like Jesus, he told that man, sell everything and give to the poor. He was not preaching to that man so that man will stay with him. He was just revealing the truth to him. Genauso als Jesus zu dem reichen Jüngling gesagt hat, er soll alles verkaufen, was er hatte, mit ihm mitgehen. Jesus wollte nicht Jesus ging es darum, Seele zu retten, nicht darum, dass er einfach seine Sachen verkauft und einfach mitgeht. En fait, c'est comme moi je le dis ça, je ne dis pas ça pour que vous puissiez deine Sachen verkauft, sorry. Que vous restez ici. Moi je le dis ça parce que vous vous rappelez par exemple Jésus-Christ quand il a dit à l'homme riche prends tout ce que tu as, ce que tu possèdes, vends-le. Jésus-Christ n'a pas dit ça pour que l'homme riche puisse rester avec lui, mais il a dit ça pour qu'il puisse révéler à l'homme riche la vérité. Et de la même manière, moi, je vous dis ça pour vous révéler la vérité et pas pour vous forcer à rester ici. Praise the Lord. Hallelujah. Again, I'm not preaching this so that you stay with us. I'm just preaching it because, you know, it's like when the children of Israel choose to have King Saul as their king. Nochmal, ich predige das nicht, damit ihr hier bleibt, damit irgendwelche Leute hier bleiben, sondern es geht darum, dass, könnt ihr euch noch daran erinnern, als die Kinder Israels unbedingt einen König haben wollten, ne? Und der Herr sie dann gewarnt hat und ihnen gesagt hat, was auf sie zukommen wird. Donc, c'est comme, moi, je ne vous le dis pas ça pour que vous puissiez rester ici avec moi. Moi, je le dis ça parce que je me rappelle aussi que l'Éternel a dit ça aussi, il disait ça aussi aux enfants d'Israël quand eux, ils étaient en train de désirer un roi. L'Éternel les a avertis. C'est comme ça que moi, je vous dis seulement la vérité, je vous arrête. I hope you still remember the story. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 44. Then he said, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty. Christ is no longer there. Is somebody getting it? The relationship with Christ is no longer there. The relationship with God's children is no longer there. The relationship, you know, the Bible studies is no longer there. We are Jesus occupied before. Mm. Are you getting it? Yeah. You know, the message of Christ is no longer there. You find it empty. It's empty for him to go in. Und dieser Dämon will dann zurück wiederkehren, aber auf einmal ist dieses Innere von dir, da ist nicht mehr Christus zu finden, da ist nicht mehr die Bibel, die Gemeinde zu finden, sondern es ist leer und wieder zugänglich für ihn. Donc quand les sept esprits mauvais vont encore entrer dans toi, quand il voit le Christ, il ne peut pas entrer, mais quand il commence à voir que la personne n'est plus part de l'église ou bien papa dans l'église biblique, là tu es vide pour cet esprit et puis cet esprit a encore accès en toi et il vient encore avec des soutiens aussi, hein. Praise the Lord. Hallelujah. He findeth it empty. You know that empty does not mean there's no religion there. Und diese Lehre bedeutet nicht, dass da nicht Religion zu finden ist. There's something there by religion. Etwas schmückt diesen Ort. For Satan it is empty. Und es ist because that religion also belongs to him. Aber für den Satan ist dieser Ort leer, weil er immer noch zugänglich ist, weil Religion immer noch Lehre bedeutet. Donc ça signifie que le diable, quand il va venir, il va te trouver avec la religion. Pour lui, c'est aussi vide parce que la religion lui appartient aussi. Verse 45. Verset 45. Then goeth he and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself. And they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so, it shall be also unto this wicked generation. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I hope you get it. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. What Once you come into here, there's protection. Wenn du hier reinkommst, diese lebendige Gemeinde ist Schutz. Quand tu viens dans une église vivante, il y a la protection. There is security. Sicherheit. Il y a la sécurité. You are the one to say it's over before it's over. Du bist derjenige, der sagt, dass es vorbei ist, bis es vorbei ist. C'est toi la personne qui dit que c'est fini. Those evil will run away from you. Das Böse wird vor dir fliehen. Et le mal va s'enfuir. But once you are out. Aber wenn du raus bist, si tu es sorti, si tu sors, those that once left, die einst gegangen sind, les gens qui étaient, they are coming back. Und sie zurückkommen, et quand ils rentrent, they are not even coming back like before, but stronger. Kommen sie, to the word of Jesus here. Kommen sie noch nicht mal gleich zurück, sondern noch stärker zurück. Ils viennent pas de la même manière, mais ils viennent avec renforcement. Praise the Lord. Hallelujah. If you read this very place again, you can see that Jesus said you were once free. Aber wenn wir diese Stelle lesen, you können wir auch sehen, free, dass no longer free. Jesus sagt, ihr wart einst frei, when aber he was there, you were once free. Ihr wart einst frei, aber jetzt seid ihr nicht mehr frei. Et si on lit bien, on va voir que l'Éternel dit que vous étiez libre, parce que quand lui, il était là, vous étiez libre, mais maintenant qu'il n'est plus là, vous êtes plus libre. You were once free from them. Denn ihr wart einst frei davon. Parce que vous étiez libre avant. Free from those spirits. Frei von diesen Geistern, Dämonen. Vous étiez libre, libéré de ces démons. Amen. But now. Aber jetzt. Et maintenant. You are the one that will say yes or no to them. Du bist derjenige, der ja oder nein sagt dazu. C'est toi la personne qui dit oui ou non. Amen. That you were once free does not mean they cannot come back. Dass du einst frei warst, heißt nicht, dass es nicht zurückkommen kann. Juste parce que tu étais libre, ça signifie pas que ils peuvent pas, ils n'ont plus accès à toi. You are the one that allowed them to go in, to come in and go out, or come in by submitting to Christ. Du bist derjenige, der es zulässt, indem du dich Christus Jesus hingibst. C'est toi la personne qui autorise, comme tu es en train de te soumettre à la parole de l'Éternel, la parole du Christ. Amen. Mm-hmm. You are the one that will allow them to come in. Du bist derjenige, der zulässt, by ignoring Christ, rejecting him. Indem and you are the one to we allow them to get out by submitting to Christ. Mm. I hope you're getting. Ihr seid diejenigen, die es zulässt, dass diese Dämonen reinkommen, indem ihr Christus verweigert oder ihn ignoriert. Aber ihr seid doch diejenigen, die dafür zuständig sind, dass diese Sachen rausbleiben, dem Christus drin bleibt. Donc vous êtes les personnes qui sont autorisées à accepter l'Éternel, que ça puisse rester comme lui, avec lui, ou bien vous autorisez au diable et avec ses esprits de rentrer encore. Praise the Lord. Alléluia. You know, John 15 again, Jesus said, "You abide in me, and not visit." Johannes 15 sagt, Jesus, ihr bleibt in mir, aber ihr a living church is not to visit, it's to live there. No. Deswegen sagt Jesus, dass ihr sollt in mir bleiben und mich nicht besuchen. Eine lebendige Gemeinde besucht man nicht, man bleibt dort in Christus. Jean 15 dit que Jésus-Christ dit que vous devrez demeurer en moi. Il ne dit pas que vous venez me visiter, mais demeurer dans le. C'est pour cela aussi dans une église vivante. Il ne s'agit pas de venir visiter, mais il s'agit de demeurer en Christ avec amen. Les enfants de Dieu. To abide me. To be there forever. Amen. Zu bleiben heißt it's like a tree. Bleiben. Want to take the branch out. Mm-hmm. And then you are bringing it back again. You are taking it out. You are bringing it back. You go meet with Secunde Kleber. Mm-hmm. to the tree. Mm-hmm. It can never leave. Mm-hmm. Amen. Für, genau, man kann nicht dann wieder diesen Ast wieder mit Sekundenkleber an den Baum heften, damit es wieder funktioniert. Und dann, wenn man wieder keine Lust hat, es wieder abreißen. Das wird komisch aussehen und es wird dem Ast auch nichts bringen. Et c'est aussi comme par exemple avec l'église vivante, c'est aussi avec un exemple avec avec un arbre par exemple, tu peux pas enlever les branches et l'enlever, le remettre encore à la place, l'enlever et essayer de coller ça avec une colle, ça va pas marcher. Cette branche elle est morte. Praise the Lord. Amen. Any branch that is out. It's a dead branch already. Jeder Ast, anyone that is out is schon ein toter Ast, ist schon raus. Donc une branche qui sort de l'arbre, qui n'est plus part de cet arbre, c'est une branche morte. Because a living church is not common. Weil eine lebendige Gemeinde ist nicht üblich. Parce que une église vivante n'est pas, elle n'est pas comment? Because a living church is a narrow gate. It's not common. Lebendige Gemeinde ist ein schmaler Weg, ein schmales Tor. Was ist nicht üblich? Parce que c'est pas commun parce que une église vivante c'est un chemin étroit. Are you getting it? You cannot go through that gate with any load. Durch dieses Tor, diesen Weg kann man nicht mit der Last, diesen Weg kannst du nicht mit deiner, du kannst deine Last nicht mit dir schleppen auf diesen Weg. Du musst sie loslassen, du passt nicht mit dieser Last auf diesen Weg. It's very narrow. Le chemin de Dieu, du Christ, c'est un chemin étroit et tu peux pas porter tes fardeaux avec toi à travers ce chemin. C'est trop lourd pour ce chemin. Tu n'as pas de place. Even you without the load, you have to squeeze yourself inside. Selbst du selbst musst dich klein machen, um da durchzupassen, ohne Last sogar. Même toi-même, sans ce fardeau, même libre comme tu es, avec tes deux mains, avec tes deux pieds là, tu dois vraiment te faire, tu dois te forcer et courber à y passer, voilà. Amen. Remember Hebrews 12 again. It says, lay aside all weight. Also schon Hebräer 12, alle Last ablegen. Hebräer 12 nous dit qu'on doit vraiment tout laisser nos fardeaux. Amen. A narrow gate is a gate that is impossible to go through without Christ. Weil dieser schmale Weg, das schmale Tor ist unmöglich ohne Christus. Parce qu'un chemin étroit, c'est impossible à y passer sans le Christ. But the other gate, you don't need Christ. You don't go through with your bags and baggages. Da brauchst du Christus nicht, da gehst du einfach durch mit all deinen Taschen, mit all deinen Sachen, alles was du brauchst, ist dich selbst. Mais avec le chemin vaste qui est le contraire du chemin étroit, là tu peux y aller, tu peux prendre tous les fardeaux que tu as, tu peux même, donc c'est seulement ta décision, tu pars avec qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Praise the Lord. Amen. Remember Matthew 7. Please, I borrow your time a little. Erinnert euch an Matthew 7. Matthew 7. A little bit your time, please. So that we complete here. So that we will not come here again next on Wednesday. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 7. Please quickly go to Matthew 7. Matthew 7. The last thing wants to feed us. Matthew 7, verse 13 and 14. Matthew 7, 13 und 14. Wir werden noch ein bisschen Zeit nehmen, weil der Herr möchte uns noch hier füttern an der Botschaft und deswegen wollen wir sie noch zu Ende bringen eben. Amen. Amen. Enter ye in at this straight gate. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in there out. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life. A few there be that find it. Praise the Lord. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit und der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal und der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Entrez par la porte étroite, car la porte large et la voie spacieuse conduisent à la perdition, et nombreuses sont ceux qui y passent. Car elle est étroite, la porte est resserrée, la voie qui conduit à la vie. Il est peu qui la trouve. Il en est peu. Amen. Amen. If you look at Peter, Paul and others. Amen. Petrus und Paulus und andere anschauen. Si on voit Pierre, Paul et les autres. They were once together and they are still together today. Sie waren eins zusammen, sind immer noch zusammen mit Christus. Ils étaient avant ensemble et ils sont toujours ensemble avec le Christ. There was no separation. Es gab keine Trennung unter ihnen. Il n'y avait pas de séparation entre eux. Until now, they are still together. Bis jetzt sind sie immer noch zusammen. Jusqu'à présent, ils sont toujours ensemble. Separation from the true God children means death. Trennung von wahren Kindern Gottes bedeutet Tod. La séparation des vrais enfants de Dieu, ça signifie la mort. It's like a branch taken away from the tree. C'est comme un arbre, der vom Baum weggenommen wird. C'est comme si on Dieu est en train d'enlever une branche de cet arbre. Amen. Amen. I am not saying separation from religion. Ich meine nicht Trennung von Religion. Je ne parle pas de la séparation de la religion. Because separation from the true God children also means separation from Christ. Weil die Trennung von den wahrhaftigen Kindern Gottes bedeutet auch Trennung von Christus. Parce que la séparation des vrais enfants de Dieu, ça signifie aussi une séparation du Christ. You know, that is how you are to know that you are going out of Christ when you are separating yourself from God. Wisst ihr, dass ihr aus Christus rausgeht, wenn ihr euch von Kindern Gottes fernhaltet? Et c'est comme ça que tu dois savoir te rappeler que tu es en train de te séparer du Christ quand tu es en train de te séparer des enfants de Dieu. Just like we said on Wednesday, it's a voice that should speak to you. Genauso wie wir am Mittwoch gesagt haben, es ist eine Stimme, die zu dir spricht. Donc c'est une voix qui est en train de te parler. It is gradually. Es ist schleichend. Ça vient seulement petit à petit. Little by little. Stück für Stück. Oui, petit à petit. Are you getting it? Mm. Little by little you are separating. Little by little. It's like a drop of water. Mm. Little by little, before you know it, you are out completely. Mm. Es ist ein schleichender Prozess und irgendwann ist man komplett raus. Petit à petit, donc au fur et à mesure, ça vient et puis du coup, tu n'es plus avec les enfants de Dieu. That is why Satan is so clever. Deswegen ist der Satan so clever. That's what Jesus said. He said, be clever, be wise as serpent. He's talking about Satan. That's Matthew 10, verse 16. Seid weise wie die Schlange. Et c'est pour cela, il nous dit aussi, on doit être vraiment sage comme les serpents. He is expert in doing things little by little. Weil die Schlange auch darin gerissen ist, Dinge geduldig Schritt für Schritt zu machen. C'est parce que le serpent et loup ici, il est si sage à faire les histoires petit à petit. Until he finish you, you will never even notice it. Und du wirst es gar nicht merken, bis du dann auf einmal komplett K.O. bist. Et tu vas même pas te rendre rendre conscient. Tu vas même pas savoir quand tu es sorti parce que il est petit à petit. Today you are disobeying. Tomorrow another. Do you know this one drop of water? Heute muss er. Are you getting it? You withdraw yourself from this. You withdraw yourself from this. Gradually you are going. Immer mehr und mehr und irgendwann bist du weg. Tu te rends même pas conscient quand que tu es en train de partir de peu à peu, une décision après l'autre et à la fin tu vas te remarquer que tu es complètement sorti, tu es complètement perdu. Don't go to Satan to prove anything. Geh nicht zum Satan, um irgendwas zu beweisen. Ne pars pas chez le diable pour prouver quelque chose. Don't go to religion to prove anything. Geh nicht zur Religion, um irgendwas zu beweisen. Ne pars pas dans la religion pour prouver quelque Don't chose. Don't go to yourself to prove anything. Geh nicht zu dir selbst, um irgendwas zu beweisen. Ne pars pas chez toi-même pour te prouver quelque like chose. It's like a thief. If a thief joins you to look for what is missing, you can never find it. Das ist wie ein Dieb, wenn ein Dieb dir helfen würde, etwas zu finden, was verloren gegangen ist, würdest du es niemals finden. Si un voleur se rejoint à toi pour chercher quelque chose que tu as perdu, tu vas jamais le trouver. You want to prove how to be with one with God's children with religion. It does, you know, it says it's like a thief. You invite a thief to help you to look for what is missing. Where is the one that is the thief that took it? Du willst in der Religion die Wahrheit finden, aber es wird nicht funktionieren. Das ist so, als ob du dann bei dieser Diebesbande nach deinem gestohlenen Wertsachen suchst. Diese Leute werden immer wieder die Sachen, sobald du es fast gefunden hast, werden sie es wieder weiter verstecken. Toi, tu veux te séparer des enfants de Dieu pour d'abord écouter ce que, oui, comment devenir un avec eux. C'est comme si tu es en train d'inviter le diable, un voleur, à t'aider à chercher quelque chose, tu ne vas jamais le trouver parce que c'est cette voix-là qui est en train de te dire de sortir des enfants de Dieu. C'est cette voix que tu es en train d'obéir, ça, c'est pas bien. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's kingdom is a kingdom of truth. Das Königreich von Christus ist ein Königreich der Wahrheit. Le royaume de Jésus-Christ, c'est le royaume de vérité. We tell you the truth, no matter what. Wir werden dir die Wahrheit sagen, egal was. On va toujours te dire la vérité, peu importe quoi. Might be hard, bitter. Vielleicht ist es hart und bitter. Peut-être c'est dur et amer. Vielleicht wird es dich sogar bedrohen. Ça va peut-être te menacer. It can frighten you. Es wird dir vielleicht dich bedrohen. Ça va t'effrayer. It is for your own salvation. Aber es ist für deine eigene Rettung. Mais c'est pour ton salut. Amen. Jesus did not tell that man go and sell everything to destroy that man. Jesus hat nicht zu dem Mann gesagt, geh und verkauf alles, um ihn zu zerstören, sondern um ihn zu retten. Jésus-Christ n'a pas dit à cet homme va vendre toutes tes choses pour pour le détruire. Non, il a dit ça pour son salut. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But this man chose to be sad. Also dieser Mann hat sich entschieden, traurig davon zu gehen. Mais cet homme, il a décidé de partir, de repartir. The Bible said he went away sad. La Bible nous dit que cet homme, il est retourné et était triste. Compare this man to Peter. Compare cet homme avec Pierre qui avait tout qui avait tout laissé derrière lui. Amen. Pour suivre Jésus-Christ. Compare this man to Peter that left, that said we left everything. Vergleiche mit Petrus, der alles verlassen hat. Compare l'homme riche avec Pierre qui a dit qu'on a tout laissé derrière nous. Amen. Amen. Your choice. Deine Wahl. Tes choix. Amen. Amen. Beware of your choice. Nimm Acht vor deiner Wahl. Fais attention avec de tes choix. Revealing the truth to you is salvation. Dir die Wahrheit zu offenbaren, ist Errettung. Révéler la vérité. Te révéler la vérité, c'est pour ton salut. Amen. Religion, they never know the truth. Religion kennt die Wahrheit nicht. Religion ne connaît pas la vérité. They will pet you until they destroy you. Sie werden dich trösten, vertrösten und dann dich zerstören, dich damit in die Hölle führen. La religion va te dorloter jusqu'à ce que tu te retrouves en enfer. You know that. Don't preach hell. Don't preach darkness. Don't preach Satan. Don't talk about them. Just preach the love of God. It's all about the love of God. Amen. How do you expect them to choose Christ? Mm. If they don't know there's opposition. Mm. Amen. Aber wir kennen diese Lehre, ne, diese Lehre vom von diesem diesem Zuckerwatten-Evangelium, ne, wo halt nicht die Wahrheit gepredigt wird, sondern die Wahrheit verdreht wird, damit sie besser schmeckt oder besser, schöner klingt in den Ohren der Menschen. Aber es ist halt nicht Christus. Und deswegen müssen wir die Wahrheit predigen. Weil wenn wir die Wahrheit nicht predigen, wenn wir den Leuten nicht sagen, dass es Tod und Leben gibt, dass es Teufel und Jesus gibt, wie sollen sie sich dann entscheiden für Jesus und gegen den Satan? Donc on va vraiment faire attention de ces doctrines qui veulent toujours nous faire voir que Jésus-Christ il est bon du ciel, mais ne veut pas parler du côté mauvais du diable et de l'enfer, parce que si on continue toujours à suivre ces doctrines, on va se rendre compte qu'on est même en enfer, on savait rien de l'enfer. Praise the Lord. Hallelujah. Don't threaten them. Don't make it hard for them. Let it be sweet, not bitter. Und bedroht die Leute. People will just be rejoicing. Bedroht die Leute nicht, macht die Botschaft süß und nicht bitter, aber man sieht halt die ganze Zeit, und es geht die ganze Zeit um das, was der Mensch macht, ne? Weil der Mensch halt diese Botschaft leitet und nicht der Heilige Geist. Amen. Und sie freuen sich damit in der Lüge. Et c'est pour cela il y a des gens qui te disent que oui, il faut pas vraiment être si radical, faut pas être si choc comme ça, il faut toujours dire un peu gentil pour que les gens puissent se réjouir et continuer à aimer la parole. Mais oui, ils vont commencer à se réjouir et aimer la parole et se réjouir avec les mensonges que tu es en train de lui donner, parce que tu ne donnes pas une moitié, tu lui donnes la moitié de la vérité. C'est aussi, il y a toujours les mensonges sont toujours dedans. You know, if we are deceiving ourselves, we will not fight. Wenn wir uns alle was vormachen, dann würden wir uns nicht streiten. Parce que si nous, on était en train de se, oui, de se tromper, on n'allait pas se chamailler. Aber uns die Wahrheit sagen, dann wird es lustig. Dann fängt man an, sich vielleicht zu streiten und zu diskutieren. Mais quand on se dit la vérité, c'est là où on commence aussi à se chamailler. Religion will deceive you. Religion wird dich in die Irre führen. La religion va te tromper. Especially in Europe. Besonders hier in Europa ist es der Fall. Et surtout ici en Europe. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. let me leave here. Praise the Lord. Hallelujah. Let us help the people to know the truth. Lasst uns den Leuten helfen, die Wahrheit zu erkennen. On doit aider aux gens de connaître la vérité. Yeah, there's hell. Dass es Himmel und Hölle gibt. Qu'il y a l'enfer et il y a aussi le royaume des cieux. Dass es Christus und Satan gibt. Il y a Jésus-Christ, il y a le diable. Amen. Mm-hmm. So that they can choose Christ. Damit sie sich für Christus entscheiden können. Und den Satan verweigern können. Pour qu'il puisse choisir Jésus-Christ et rejeter le diable. See how Satan is still killing and destroying the world. Ihr seht, wie der Satan tötet, steht und zerstört auf der Welt. On peut voir comment le diable est en train de voler, de tuer et de détruire. Look at everywhere. Marriage is no longer marriage. Regardez partout, le mariage, c'est le mariage. La famille n'est plus unie, n'est plus une famille. People are afraid of the past, present, and even the future. Leute haben Angst vor der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Les gens ont peur de, du passé, du futur et même du présent. Let us choose Christ. Amen. Lass uns Christus wählen. On doit choisir Jésus-Christ. And reject the gospel of religion. Und das Evangelium der Religion verweigern. Et on doit rejeter l'évangile de la religion. And accept the gospel of Christ alone. Und das Evangelium von Christus Jesus alleine akzeptieren. On doit accepter l'évangile de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. So please, if you have any question as usual, or whatever you have to say, then we'll quickly go through them. Amen. Amen.